J'en ai marre, marre, marre, j'en ai marre, marre, marre. Marabout, marabout, marabout, bou, bou. Bout de ficelle, sel, sel, bout de ficelle, sel, sel. Sel de cheval, sel de cheval, sel de cheval, cheval, cheval. Cheval de course, course, course, sel de course, course, course. Course à pied, course à pied, course à pied, pied, pied, pied.